Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp. Ayant pour artiste invité Daniel Kemp cette semaine. Et qui a pour titre se libérer de l'émotion. Est-ce qu'on est prisonnier de l'émotion? Ah oui, on pourrait même appeler ça englué. Est-ce que c'est souffrant, avoir de l'émotion? Avoir de l'émotion, c'est souffrant, mais c'est tolérable. Et se débarrasser de l'émotion, c'est souffrant et c'est souvent intolérable. Alors, c'est ce qu'on va apprendre ce soir. Oui, parce que l'émotion, c'est une forme de divinité. L'émotion, c'est comme un dieu. Alors, ça s'accapare de l'humain, ça se sert de l'humain, ça fait souffrir un peu l'humain. Mais si tu veux chercher un peu mieux que ça, bien là, on va te faire payer le prix. Mais si tu parviens à t'en dégager complètement, bien là, maintenant, tu gagnes le gros lot. Pour qui c'est déplaisant qu'on se défasse? C'est que c'est émotivement souffrant que de se libérer de l'émotion. C'est émotif. C'est par l'astral qu'on le manipule à ne pas le faire? C'est ça. C'est émotivement souffrant que de se libérer de l'émotion. Souvent, les gens parlent de mauvaises émotions, de bonnes émotions, puis je dis souvent qu'il n'y a pas de bonnes émotions, il n'y a pas de mauvaises émotions. L'émotion, c'est l'un des facteurs qui détruit le corps physique, qui tue l'humain, qui le fait vieillir. Et quand on parle, par exemple, de mauvaises émotions, bien, on devrait, à travers l'expérience historique de l'humain, c'est facile de constater que toutes les mauvaises émotions naissent des bonnes émotions. Alors, quelqu'un n'arrive pas quelque part et il se met à détester. On déteste toujours en fonction de la valeur de notre amour avant. Il n'y a pas de... Toutes les mauvaises émotions naissent toujours des bonnes. Alors, ce qui fait que si un individu, à un moment donné, dans sa vie, nettoie les mauvaises émotions, puis là, il se dit, il ne me reste que les bonnes émotions. Ben oui, mais dans 6 mois, 1 an, ça va être recommencé. Parce que les bonnes émotions engendrent naturellement chez l'humain des mauvaises émotions. Est-ce que l'inverse, c'est vrai aussi? Est-ce que les mauvaises émotions engendrent des bonnes? Non. Toutes les dualités sont des illusions. Il n'y a pas de dualité réelle. Par exemple, quand on parle de la dualité, le froid et le chaud, fabriquez-moi du froid. La seule façon de fabriquer du froid, c'est de retirer la chaleur. Il n'y a pas de dualité. Il y a la chaleur. Mauvaise ou bonne émotion, c'est faux. Il y a simplement une chose qui va ternir d'autres choses au niveau de l'émotivité. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de dualité réelle. Alors l'humain va dire, oui, mais il y a le haut et le bas. Prenez un globe terrestre, puis vous le placez à l'endroit, ça veut dire le pôle nord en haut. Mais ça, c'est simplement parce que c'est ceux qui habitaient l'hémisphère nord. C'est les premiers qui ont fait des globes terrestres. Ils ont mis le nord en haut. Mais dans le cosmos, la planète Terre, c'est où le haut et le bas? Il n'y en a pas. Alors, tout est une vision humaine. Quand on parle de bonnes ou mauvaises émotions non plus, l'émotivité, ça ne peut être connu par l'ego, par l'âme, par la psychologie, que si elle est exprimée dans le corps physique. Donc, on va se fier énormément à tout ce qui, dans l'évolution, par exemple, a une caractéristique émotive, c'est-à-dire qui nous fait vibrer. Mais quand l'humain parle de vibrer, est-ce qu'il parle de vibration d'énergie ou s'il parle de vibration physique? Par exemple, un gars dira, cette fille-là me fait vibrer, ça veut dire que le gars a une érection. Bon. Ça vibre fort. Là, ça vibrait assez, il y allait, bon, c'est quoi? La personne, elle parle de vibration. Bon, elle a rencontré un médium, puis le médium lui a dit certaines choses, puis quand elle lui a dit ça, elle l'a senti jusque dans ses tripes. Ça l'a fait vibrer. Et on a même senti une accélération du mouvement d'intestin, du péristaltisme. Donc, elle l'a senti jusque dans ses tripes. Un autre va dire, ah, moi, ça me fait vibrer, moi. Puis là, tu prends son pouls, puis il est à 115. C'est physique. L'émotion chez l'humain est toujours exprimée dans le corps physique, puis si ce n'est pas exprimé physiquement, l'humain ne sait pas qu'il vit une émotion. La problématique, c'est que l'émotion est exprimée d'une façon d'alerte. L'âme, la psychologie, lorsqu'elle veut s'exprimer, elle doit prendre de l'énergie. Alors, elle prend de l'énergie dans le corps vital. Le corps vital, c'est ce qui maintient la forme et la santé de l'individu. Moins on a, plus on vieillit, plus on est malade. On perd notre forme, le corps oublie sa santé. Il oublie sa jeunesse. On est habitué à ça, ce qui fait qu'on considère normal, n'est-ce pas, de s'en aller vers un vieillissement ou vers un état pathologique. Sauf que quand l'ego puise dans le corps vital pour pouvoir se vibrer une émotion, en puisant dans le corps vital, il va agresser le corps physique. agressant le corps physique réagit. Il réagit comme si on venait de lui voler quelque chose. Et il va réagir comme il a appris à réagir. Et normalement, chez les premiers qui ont institué nos génétiques, on ne perdait à peu près pas d'énergie vitale. On n'en avait pas beaucoup, on n'en perdait pas, on en perdait un peu, pas trop. Alors, les réactions restent des réactions mécaniques, disons, plus ou moins génétiques. C'est des réactions qui sont animales. Et on réagit comme si on perdait du sang. Alors, chaque fois que l'être humain vit une émotion, le corps physique réagit comme si l'humain vivait une perte de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'humain perd énormément de sang, disons qu'il se rapproche d'un choc hypovolémique, manque de volume sanguin, le cœur va accélérer, il y a des sécrétions d'adrénaline, de catécholamine particulière, d'hormones, le cœur accélère, la personne devient blanche. Bon, si par exemple, on a des réactions, parce que chaque personne va réagir différemment aux attaques physiques, ils vont rougir, il y aura une dilatation des vaisseaux périphériques, le cœur va accélérer, ils vont respirer plus difficilement, ils vont respirer plus rapidement. L'intestin ou les reins vont cesser de fabriquer d'urine. Bon, dans certains cas, l'humain va en fabriquer plus parce que c'est comme s'il y avait une intoxication. Donc, on élimine. Toutes les émotions sont exprimées dans le corps physique comme si le corps se réagissait à une attaque. Mais ça, c'est peu importe que ce soit une émotion. On parle d'émotion. Émotion bonne ou mauvaise, il n'y en a pas, là, c'est une émotion. La mauvaise émotion est celle qui fait mal à l'ego, mais elle va détruire le corps. La bonne émotion est celle qui va nourrir l'ego, mais elle détruit le corps. Du point de vue du corps physique, ce sont toutes les mauvaises émotions. Il n'y a pas de bonnes émotions. Bon, alors c'est uniquement endocrinien. Quand la mère nourrit son fœtus, elle le nourrit avec son sang. Comme les hormones sont transportées par le sang, nécessairement le corps du fœtus réagit au sang hormonisé de sa mère. De ce fait, l'enfant vit les émotions de sa mère. Mais l'enfant ne peut pas, dans sa conscience, comprendre l'émotivité. Mais le corps physique, le corps accélère. Bon, il ne sait pas ce qui se passe. Il vit ceci, il vit cela, il vit cela. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Mais effectivement, le bébé va réagir aux émotions de sa mère, parce que sa mère, elle lui communique par l'hormone. Donc, de ce fait, il n'y a pas de bonnes émotions du point de vue de la matière physique. Du point de vue du corps vital, et ça, en théorie, on sait ce que c'est que le corps vital, mais le corps vital, c'est la structure qui va vous permettre, à un moment donné, d'immortaliser votre conscience. C'est ce qui va engendrer le double éthérique. Le corps vital, c'est non seulement ce qui maintient la forme, donc ce qui révèle la matière, ce qui maintient votre corps, puis qui dit à chaque cellule quel est le travail qu'elle doit faire. Le corps vital, c'est aussi ce qui entoure l'âme et qui fait en sorte de préserver, on dit, l'âme, l'intégrité de l'âme, de façon à ce que lorsque vous êtes assis les uns à côté des autres, vous ne soyez pas trop coloré par l'âme d'autrui. Quand on gagne le monde de la mort, l'enveloppe, le périsprit, l'enveloppe d'énergie vitale ne peut pas pénétrer. Et là, dans le monde de la mort, on se dilapide, on se fait digérer. On meurt dans le monde de la mort. Alors qu'on est vivant dans le plan de la matière, même si on est limité, on est vivant. On peut développer une conscience. Ça, c'est de la vraie vie. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque l'ego exprime de l'émotion, il puise dans le corps vital. Puisant dans le corps vital, il va maintenant diminuer un peu le corps vital. Et il va s'approprier cette énergie-là pour se nourrir. On appelle cela de l'égoïsation. On grossit notre ego, le volume, l'amplitude de notre âme. Toutes les mécaniques humaines, spirituelles, sont basées sur cette idée. Sauver son âme. L'esprit, sauver l'âme. L'enveloppe. Oui. C'est seulement l'enveloppe, finalement, qu'on essaie de... C'est l'enveloppe, non. C'est aussi tout ce qui est intérieur. C'est la mémoire. Ce qu'on veut se sauver, c'est la mémoire. Alors que l'humain qui vit de l'émotion vit effectivement avec de la mémoire. Donc, le fait d'exprimer n'importe quelle émotion, un plaisir ou un malaise, non seulement ça attaque le corps physique, mais en plus, ça attaque notre corps vital. De ce fait, ça va attaquer le corps physique. Mais le corps vital, c'est ce qui va vous permettre progressivement de créer un corps mental. Donc, de créer une structure de légifération, une structure qui va vous permettre, à un moment donné, de voir les choses logiquement et non pas uniquement émotivement. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de commencer à avoir le discernement. Donc, de devenir un peu plus votre seul maître, de vous centrer sur vous, capable de discerner l'imbécile de ce qui est de l'allure. Mais si on n'a pas suffisamment d'énergie vitale, on n'aura pas un corps mental suffisamment puissant, ce qui fait qu'on ne sera pas capable de se centrer sur nous-mêmes, de se décentrer, de se désassujettir du collectivisme. Donc, le fait d'exprimer de l'émotion va en plus altérer le corps mental. Et le corps mental, c'est la seule structure capable de vous mettre en communication planétaire avec votre esprit. Donc, un corps mental insuffisamment constitué va créer un contact insuffisamment complet, ce qui fait qu'on va vivre plus ou moins de problèmes au niveau de l'évolution, au niveau de la conscientisation. Pour le corps vital, tantôt tu disais que si on exprime de l'émotion, on réduit l'épaisseur du périsprit. On réduit l'épaisseur du périsprit, puis on grossit l'épaisseur de l'ego. Est-ce qu'à ce moment-là, en réduisant l'épaisseur du périsprit, on est plus sensible aux autres émotions de tout le monde à côté? Un grand émotif est nécessairement très émotif. C'est un peu comme si plus tu es émotif, plus tu seras émotif. De ce fait, les artistes qui, eux, doivent se rentrer en contact avec le monde de la mort pour être manipulés à faire des créations, parce que l'humain n'a pas assez de mémoire pour créer dans la mémoire. Alors, il doit se connecter à un réceptacle extrêmement grand, qui est le plan astral, et là, il dit créer, mais en réalité, il va exprimer des mémoires de créateur. Alors, plus il est émotif, plus le périsprit va s'amincir, il gruge son énergie vitale, plus il sera donc facilement en contact avec le monde astral, il pourra être un créateur ou une créatrice. Sauf qu'en même temps, si vous leur pilez sur les pieds, ils vont choquer immédiatement. Ce sont des personnes extrêmement soupoulées. Bon, des personnes qui vont se choquer, qui vont partir en haut, qui redescendent en bas, qui vont bien, qui sont bon, down. Ils vont prendre des mots anglais d'ailleurs. Bon, alors ils sont extrêmement down, ils sont up, ils sont down, ils s'amusent, ils sont bon. Ces personnes-là n'ont pas de stabilité émotive. Pourquoi? Parce que ce sont de grands émotifs, mais plus on est émotif, plus on va le devenir. Et tu ne peux pas te centrer dans ton intelligence quand tu es de haut en bas comme ça du temps. Ben, elle est centrée, elle médite. Éternue à côté d'elle, tu vas voir la claque que tu vas recevoir. Alors non, elle n'est pas centrée, elle est totalement dépendante de l'extérieur. Alors au bout de dire ce qu'elle voudra, elle dépend totalement de l'extérieur. Elle doit haïr des gens, détester, puis taper des pieds, telle ou telle personne. Ça les fait vivre. Puis ils vont en aimer d'autres, puis ils vont... Regarde, la majorité des artistes, ils sont tous de grands critiques. Bon, ça critique tout le monde. C'est les artistes. Et puis, plus on arrête d'exprimer de l'émotion, plus le périsprit s'épaissit, puis moins on est sujet à en exprimer ou à en être manipulé. Oui, l'individu qui exprime trop d'émotivité, à un moment donné, devra, s'il veut survivre, toucher à la drogue. Il devra aller chercher dans la matière des suppléments énergétiques. Mais ces suppléments-là ne sont pas des suppléments hominales, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie yin, yang, et de l'énergie hominale. L'être humain, dans sa conscientisation, a besoin d'énergie hominale. Cette énergie-là, elle est uniquement créée chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant qui est conscient. Donc, elle ne court pas sur la planète. Il n'y a pas beaucoup d'énergie hominale. Cette énergie-là, elle se capte d'une certaine façon et elle va restructurer le corps vital, puis elle va restructurer toute la structure énergétique pour permettre à l'humain d'aller chercher ce qu'il a besoin, d'aller se mettre en contact avec son esprit, et finalement de descendre suffisamment d'énergie supramentale pour pouvoir se relier au plan bouddhique, et de descendre suffisamment d'énergie bouddhique pour être capable de passer allègrement, facilement, son évolution, sa conscientisation à travers le plan planétaire. Sauf que l'être humain qui est trop émotif, à un moment donné, il ne peut plus vivre. En vu qu'il ne peut plus vivre, il doit aller chercher des compléments énergétiques qu'il va trouver dans certains aliments. Mais c'est trop faible. Alors, il va aller chercher des drogues. Les drogues, dans l'Antiquité, servaient de temps en temps à faire évoluer l'humain. Pourquoi? Parce que certaines drogues vont te nourrir énergétiquement, donc ils vont t'amener suffisamment d'énergie pour que l'humain ait le contact avec l'esprit. Mais parce que ce n'est pas un contact anégoïque, donc sans égo, parce qu'il y a énormément d'ego qui vit plein d'émotions, la drogue va te donner un contact égoïsé avec le plan supramental, donc avec l'esprit. Alors l'individu s'en sert toujours comme pouvoir. Les individus avec la drogue ont évolué, mais ne se sont jamais conscientisés. Ils ont toujours eu besoin de drogue, donc ils sont les esclaves. Ils n'ont pas pu cellulariser ce qu'ils apprennent et ce qu'ils allaient chercher. Non, ils vont amener des choses pour les autres, mais eux ne peuvent pas s'en servir, c'est ce drogue. Donc souvent, les artistes sont des personnes qui sont narcomanes. Les alcooliques, souvent, c'est la même chose, des personnes qui sont extrêmement émotifs. Une personne va dire, oui, mais moi, j'étais alcoolique ou j'étais narcomane, puis je n'étais pas émotif. Un instant. Si on prend, par exemple, la valeur des sécrétions hormonales dans ton corps physique quand tu vis des choses, on verrait que tu es extrêmement émotif. Mais peut-être que tu ne l'as jamais exprimé extérieurement. Donc, ça t'a altéré. tu es devenu alcoolique pour compenser, tu es devenu narcomane pour compenser, tu es devenu un violeur de femmes pour compenser, un batteur d'enfants pour compenser. Cette émotion, on ne l'exprime pas nécessairement à l'extérieur, on peut la vivre en dedans puis en être autant attaqué. Oui, c'est préférable du point de vue organique d'exprimer l'émotion par la parole, par les colères, par les crises, etc. Mais ce n'est pas mieux du point de vue évolutif. On agresse autant le corps vital, sauf qu'on agresse un peu moins le corps physique. Alors que si on décide de tout exprimer en dedans, donc de ne pas la communiquer à l'extérieur, bien, c'est encore plus dommageable pour le corps physique. Donc, quelle que soit l'émotion, on a une problématique. Maintenant, une chose, c'est que l'humain, dans sa parole, va souvent associer amour et émotion. Alors que ça n'a rien à voir. Alors, on se dit souvent, si j'ai une vie sans émotion, ça va être plate. Exact. C'est sûr qu'une vie sans émotion va être une vie plate pour l'ego. Comprenez ceci. C'est un gros problème dans l'évolution. Un gros problème que les individus auront de la difficulté à résoudre. Vous allez avoir des problèmes avec ça. Disons, je pose une question ce soir et je vous dis, et souvent les intervieweurs m'ont prouvé qu'effectivement c'est un gros problème. Tous les intervieweurs d'ailleurs. Sans exception. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour ne plus avoir de problème? Et tu verras que tous les humains, présentement, ne sont pas prêts à ne pas avoir de problème. Alors, je rencontre une personne et je lui dis, je rencontre un homme, par exemple, mais souvent les femmes sont la même chose. Alors, je vous demande, je vous dis, aimeriez-vous ne plus vieillir? La majorité vont répondre oui. Aimeriez-vous même rajeunir? Ça évite plein de problèmes. Alors, plusieurs vont répondre oui. Aimeriez-vous rajeunir? Moi, j'ai une pilule que je peux vous donner et elle va vous permettre de rajeunir jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah, il y en a qui vont dire, écoute, 12 ans, je pourrais plus conduire mon automobile, je pourrais plus. Mais ça, on n'a rien à faire, ça. Si vous voulez rester un conducteur d'automobile, vous allez devoir continuer à avoir du stress, vous allez vieillir. Alors, la question n'est pas là, là. Seriez-vous prêt à accepter de rajeunir jusqu'à l'âge de 12 ans? Vous auriez les états astraux d'un enfant de 12 ans, mais vous conserveriez votre état de conscience. Vous restez vous-même, mais avec les joies et les plaisirs exprimés dans un corps de 12 ans. Là, vous pourriez faire des stepettes sur le trottoir sans que personne ne vous pense malade. Vous pourriez rire, vous pourriez vous tirailler, vous pourriez écouter la télévision aplatie à plat ventre dans le salon sans que personne ne trouve rien de particulier. Ça pourrait être très pénible aussi. Je ne suis pas sûr qu'on serait capable de résister. Dans le corps physique d'un enfant de 12 ans, si tu trouves qu'il y a des choses inécologiques, tu ne peux pas les changer parce que personne ne va t'écouter. Oui, on va t'écouter si tu restes toi. Oh oui. Ouais. Vous autres, là, dans un corps de 12 ans, vous décidez d'aller parler à vos professeurs. Vous ne parlerez pas comme un enfant de 12 ans. Vous allez parler à un adulte comme un adulte dans un corps de 12 ans. On va vous trouver tellement miraculeux que tu n'as pas qu'on va t'écouter. On va devenir teflon, ça, voilà. Oui, vous allez être teflon. Mais avec l'habitude du monde d'adulte que les personnes ici ont, un instant, ils vont pouvoir manipuler et faire craquer n'importe qui. Mais le problème n'est pas là. C'est que quand toi, tu auras 12 ans, tu n'auras plus le goût de relations sexuelles. Alors, présentement, toi, l'adulte, as-tu le goût de vivre dans un corps où tu n'auras plus le goût de relations sexuelles? Bon, pour les femmes, ça se répond plus facilement. Parce qu'en plus, vous ne serez plus menstrué. Alors, de voilà. Hein, de l'argent qu'on économise. Mais pour l'homme, pour le mâle, c'est déjà, pour plusieurs, déjà un maudit problème. Oui, mais on ne peut pas m'arrêter à 14, 15, 16 ans de mort. Mais non, mais c'est ça qui te lance le chemin du vieillissement. À des compromis, peut-être. C'est ça. Alors là, ça veut dire qu'il y a énormément de choses, je te donne un exemple, il y a énormément de choses de votre monde qui nuit, mais qui fait partie de ce que l'humain appelle les plaisirs de la vie. Alors là, moi, je dis, si tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau, tu n'auras pas à contrôler. Tu n'auras plus le goût de. C'est pas pénible à ce moment-là, si t'as pas le goût. C'est pas pénible. Maintenant, si je mettrais la pilule là, tu verrais la quantité d'individus qui auraient de... ce serait pas comme ça, ce serait facile de retarder les géants. Là, on dirait, écoute, m'aller au moins un peu avant, tu sais. Tu sais, on arrête de fumer, mais là, on va prendre au moins, mais on va finir au paquet, tu sais. Exactement. Quelle serait une vie sans le goût de fumer? Pour un fumeur, c'est problématique. Parce que oui, mais c'est un plaisir de la vie. Tu auras d'autres plaisirs que tu ne peux pas évaluer présentement, mais tu devras perdre ceux que présentement vous font vivre. Mais c'est ça pour passer dans l'air de nouvelles. Quand on parle de l'émotion, c'est souvent la même chose. Vivre du sentiment, ne plus vivre d'émotion. Oui, mais là, ben moi, je suis bien prêt, là, mais il y a quand même quelques bonnes émotions qu'il faut que... C'est ça. On veut arrêter à l'âge de 16 ans, alors que le summum, c'est l'âge de 12 ans, disons. C'est un parallèle qu'on fait. Mais c'est ce qui va arriver. C'est qu'on veut avoir... Ça fait un peu penser à certaines femmes qui voulaient se libérer sans conscience. Ils voulaient avoir l'égalité de l'homme et toutes les prérogatives de la femme non libérée, en plus. Tu sais, on va au restaurant ensemble, c'est moi qui bosse, je dis quoi manger, puis tu te payes. On rentre dans l'autobus, tu payes, je m'assois, tu restes debout. Pas toutes les femmes qui vivent ça, mais tu sais, il y a des femmes qui vivaient ça. Mais l'humain qui évolue, c'est la même chose. Il veut évoluer tout en conservant les plaisirs de l'être humain non évolué et en bénéficiant des succès de celui qui est évolué. Ça peut pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas. Alors la personne, elle va dire, oui, mais si je serais bien évolué, j'aurais le corps de 12 ans, tu sais, puis quand j'ai le goût de coucher, tu n'auras pas le goût de coucher. Mais des pilules, tu peux peut-être en acheter une douzaine, tu sais. Non, mais là, la personne, elle dirait, oui, mais à un moment donné, là, tu sais, je change, puis là, j'ai 27 ans, tu sais, fait que là, je peux coucher avec une fille, puis avec un gars, puis après ça, je redeviens l'âge de... Non, on ne l'a toujours pas. On l'a toujours pas. C'est comme de dire, je vous amène sur une planète phénoménale avec 800 billets pour venir de temps en temps sur la planète Terre, tu sais, pour prendre un joint ou deux. L'humain ne peut pas, l'homme, la femme, l'enfant n'a pas fait le choix de l'homme nouveau s'il n'a pas compris le principe de ce que j'amène là. Est-ce qu'il y a une demi-mesure entre la perfection et l'imperfection? Ben, il n'y en a pas. Il y a tout ce qui est imparfait, puis il y a une seule chose de parfait. Il n'y a pas entre les deux. Mais le problème, c'est qu'on est co-locataire, il y a de l'intelligence, il y a de l'ego, puis pour l'ego, le monde dont tu parles, c'est l'imperfection parfaite, et puis pour l'intelligence, c'est la perfection. Oui, sauf que l'humain... Bon. Puis on demande à l'ego de faire le choix. Oui, mais on doit sélectionner certaines choses. Chaque fois que vous avez un problème avec vous-même, avec l'ego, etc., contrôlez pas toute la mécanique, contrôlez un élément clé. Toute forme d'expression de l'astral est une expression qui est très complexe. Par exemple, tu dis, j'ai le goût de manger telle cochonnerie. Tu sais, c'est l'ego, puis tout ça, puis là, tu dis, alors, je veux pas, puis là, tu luttes. Dis-toi une seule chose. Mon ego, je te permets de contrôler mon estomac, mon désir astral, ma bouche, les glandes salivaires, contrôle tout ça, OK? Parfait. Et moi, je vais contrôler les mains. Ça serait peut-être pas esthétique de devoir manger, mais... Pas grave. Contrôle une seule chose à la fois. Mange pas de spaghetti. Tu vas voir que tout est réglé, réglé, réglé, réglé. Puis chaque personne ici a probablement la puissance énergétique pour contrôler une chose à la fois. Peut-être pas tout le kit au complet. Alors tu te dis, bon ben je vais m'aimer dans le dos. Ouais, mais là j'ai goût de le manger pareil. Mange-le, mange-le. Mange tout à la crème, mange, j'attends pas, mange. Oui, mais là, contrôle les mains, contrôle rien d'autre. Lutte pas contre, oui, mais là, laisse faire ça. Contrôle les mains. Contrôle les mains, c'est tout. Tu veux voler, vole. Vole avec ta bouche, contrôle les mains. Contrôle les mains. Si vous contrôlez une seule chose, tout ce qui est à l'intérieur pourra plus vous dominer. Puis tu sais toi. Mais là, l'idée, tu vas me dire, on a des colocataires, d'accord. Mais même le vrai locataire, la conscience de l'individu, n'a pas fait le choix. Parce qu'on se dit tout le temps, oui, moi, j'aimerais ça. Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous sert présentement à supporter votre vie? Oui, mais si je n'ai plus besoin, tu n'en auras plus besoin, mais ça ne change rien. À 12 ans, tu n'auras plus le goût de faire l'amour. Tu n'auras même plus les plaisirs de voir des corps physiques particuliers. Tu n'auras rien, tu as vu. Il y a plein de choses d'adulte que tu n'auras plus le goût de et que tu ne pourras plus faire. Tu fais partie d'un club de golf sélect. Mais à 12 ans, là, tu ne pourras plus en faire partie. Tu peux juste aller ramasser les balles, peut-être. Dans le mais ça, c'est ça. Sauf que ça fait partie des plaisirs de la vie d'un adulte dans sa structure. Faire le choix de l'homme nouveau, c'est abandonner tout ça. On change de monde ou on reste dans le monde. Alors, vous allez être capable, progressivement, de descendre des choses du monde nouveau, tout en restant dans le monde ancien. Et ça va juste vous faire souffrir un peu plus. Vous allez pouvoir créer des simulacres de monde nouveau, mais c'est toujours sur la bonne vieille planète Terre, où on fait la guerre. Ou bien, vous allez déménager de monde. Et là, on n'aura plus la même chose. C'est totalement différent, c'est plus ça. Quand l'être humain parle de vivre un sentiment, le sentiment, c'est une chose qui, normalement, s'exprime mal chez l'humain. Un sentiment, ça s'exprime par l'intelligence. Un sentiment, ça s'exprime d'une façon désinhibée. Alors qu'une émotion, ça va s'exprimer d'une façon libérée. Bon. C'est quoi la nuance entre désinhibée et libérée? La libération est assujettie à de l'inconscience. Et la désinhibition est assujettie à de la conscience. Alors, une personne libérée n'a plus de sélectivité. Une personne désinhibée reste elle-même, elle reste sélective, elle reste centrée sur elle-même. Quand on a parlé de libération sexuelle, ça veut dire que tout le monde choque n'importe qui. Une désinhibition sexuelle va faire en sorte que vous n'aurez plus de problème avec votre corps ou avec vos parties sexuelles. Ça ne veut pas dire que vous couchez avec n'importe qui, ça ne veut pas dire que vous vous empêchez de coucher avec quelqu'un. Ça veut dire simplement que vous n'avez plus de problème. Ça ne veut rien dire d'autre. Dans la libération, ah ben là, il n'y a plus de limites, on s'amuse comme on veut. Libération spirituelle, ce sera la même chose. On mélange toutes les religions, toutes les sauces, on y va. Une désinhibition va faire qu'on reste sélectif. Oui, mais c'est énergétiquement pas... Ça ne va pas avec ce que je suis, donc je ne le fais pas. Un être humain désinhibé, par exemple, physiquement, va se promener dans un parc, il va être avec quelqu'un, il va être bien, il a le goût de se baigner, il va se déshabiller, puis il va se baigner. Il est avec quelqu'un qui n'est pas bien, il ne se déshabillera pas, puis il ne se baignera pas. Il n'est pas pogné. S'il veut se laver, bien, il ne se lavera pas habillé. Là, il va se déshabiller. Mais il n'aura pas eu le goût de se baigner. Alors, si mécaniquement, il doit faire, il n'est pas pris. Alors, il va vivre en fonction de... Ça, c'est un sentiment. C'est pas une émotion. L'être humain qui vit d'un sentiment, c'est un être humain qui, à un moment donné, va recevoir de l'énergie. L'énergie passe. Et l'énergie va être humanisée, c'est-à-dire qu'elle va être terrestrifiée, digérée par l'humain. Et elle sera exprimée. Et le sentiment est toujours très nutritif. Donc, ça nourrit le corps vital. Ça nourrit le corps physique. Ça nourrit... les paramètres de l'ego, c'est-à-dire que ça va plaire à l'ego, ça va alimenter le corps astral, presque pas l'ego, mais le corps astral, oui, donc le périsprit, ça va alimenter le corps mental, et c'est un contact supramental. Le sentiment va vous permettre de pleurer, le sentiment va vous permettre de rire, le sentiment va vous permettre d'être en communication énergiopathique avec quelqu'un, on dira de l'aimer, c'est un amour réel, un amour intelligent, c'est pas un amour émotif conditionnel. Le sentiment permet à l'être humain beaucoup plus que ce qu'une liberté va lui permettre, sauf que l'être humain ne vit pas le sentiment. L'être humain, il perçoit le sentiment, il vibre quelque chose, il se limite, il est pogné avec, il le digère, il en souffre. Il en crée une émotion, et après, il va exprimer l'émotion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comment on pourrait vivre un sentiment sans créer une émotion, sans engendrer une émotion avec? On ne peut pas travailler comme ça. On doit simplement comprendre que l'émotion est une problématique du point de vue mécanique. L'émotion détruit ton corps physique, te vieillit, te rend malade. L'émotion détruit ton corps vital, l'émotion altère ton corps mental et nourrit ton ego, ce qui t'éloigne un peu de la fusion avec ton double éthérique. Première mécanique. C'est comme de dire, oui, mais moi, le café, j'en ai besoin de me tenir éveillé. Le café fait ceci, cela, premièrement. OK? C'est mauvais. Oh, mais c'est pas mauvais tout le temps. C'est mauvais tout le temps. Peut-être que tu en as besoin, mais c'est mauvais tout le temps. Ça peut être bon pour le goût, mais c'est mauvais pareil. OK? Bon, il faut comprendre la mécanique. C'est quelqu'un qui prend du café ne comprend pas. Ben, battre ses enfants, c'est peut-être pas bon, mais de temps en temps, ils en ont besoin. Tu sais, il y a des fois, c'est bon. C'est bon, c'est jamais bon. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. C'est dommage. Ça les endurcit. Ouais, mais hein, c'est ça, on peut en être plein. Si tu es un batteur d'enfants, tu auras plein de raisons. Si tu n'es pas un batteur d'enfants, tu es d'accord avec moi. Alors, il faut qu'on cesse de se jouer comme ça. C'est pas bon. Mais égoïquement, on a l'impression que si on n'a pas de plaisir sexuel que tu parlais tantôt, si on ne bat pas les enfants de temps en temps, si on ne mange pas du gâteau au chocolat, si on se prive de café, ça, puis là, que ça va donner de vivre. C'est, égoïquement, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Je ne dis pas que c'est intelligent de la... Oui, on se la pose. Mais on se la pose, la question. Oui. Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi quand j'aurai plus de ça? Sauf que l'humain, il pense qu'il doit obtenir une fusion avec lui-même, donc une immortalisation de sa conscience, dans la privation. Mais c'est pas dans la privation. C'est dans l'expression transparente, pure de ce qui nous traverse. C'est pas une privation. Oui, mais si je me prive de relations sexuelles, sais-tu qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle? Ben, ça me ravigote, c'est un plaisir de la vie, c'est normal. Franchement, c'est la relation sexuelle, c'est un acte physiologique, physique, pour permettre la procréation. Ah ouais, pas avec les condoms. C'est pas ça qu'ils m'ont appris, moi. Mais non, après, ils t'ont appris que toi, en tant qu'être humain intelligent, la façon la plus sublime de communiquer ton amour à ta femme, c'était de lui donner une injection de temps en temps. Bon. C'était ça. Hein? Bon. La piquer. L'humain va prendre ça. Et la femme, la façon la plus sublime de prouver son amour à l'homme, ben c'est de ça sa femme. Et en plus, on va à un moment donné amener le terme devoir conjugal. C'est même plus que t'aimes ou que t'aimes pas, faut que tu fasses ton devoir conjugal. Ça, c'est la relation sexuelle. Puis c'est pas parce que t'aimes ça que c'est beau. C'est pas parce que t'aimes ça que c'est laid. C'est pas une question de beauté ou de laideur. Tu te détruis, puis tu détruis l'autre. Tu perds ton temps à zigonner. C'est tout. Pas de conscientisation là-dedans. Et tu peux dire... Il n'y a pas d'échange énergétique du tout. J'essaie de trouver, moi, là, de... Aidez-moi! Il n'y a pas d'échange énergétique. Oui, c'est comme manger une pomme, c'est bon pour la santé. Ah, oh, moi, j'en mange tout le temps des pommes, moi, la grosse compote avec plein de sucre, mais mange les pommes quand même! Hein. C'est ça, la relation sexuelle. Il y a un échange d'énergie. Sauf que tout ce qui l'entoure est tellement dégradé que tu n'as pas d'échange d'énergie. Elle ne te sert à rien. La relation sexuelle te fait venir de 5 ans, puis l'échange d'énergie te rajeunit de 5 ans. Yeah! Ça va, ça coûte rien. Mais non! Sauf qu'à un moment donné, tu vides tes réservoirs d'énergie. Alors, l'humain peut faire tellement autre chose. Ça fait partie de l'évolution. L'émotion sera la même chose. Oui, mais si j'ai pas d'émotion, là, comment je vais faire pour aimer mes amis ou aimer mes enfants? Pas besoin d'émotion pour les aimer. Avec les émotions, tu le nuis, puis tu te nuis. Peux-tu juste les aimer? Pour que je puisse, je suis patient, pour que je puisse me dire, ce personnage-là, n'importe quand, il pourrait être mon ami. C'est parce qu'en dedans, c'est correct. Mais présentement, lui, son correct, là, il est en train de le détruire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'exprime rien de son affaire. Il sait. Puis quand il rit de lui, tu sais, c'est un gros rire. On le voit tout le tour du haut du nez, c'est un gros rire, tu sais. Mais... Il est là plus, là. Non, ben son rire l'a protégé. Mais à un moment donné, il faut exprimer autre chose qu'à travers le corps physique et le démolir, n'est-ce pas? L'être humain qui vit de l'émotion est un être humain qui est pogné, c'est un être humain qui est malheureux. Tous les êtres humains qui ont de l'émotion sont des êtres humains malheureux. Ils sont mal pris. Et la meilleure façon qu'ils ont d'exprimer la beauté, ce qu'ils sont eux, c'est par l'émotion. C'est un peu comme chaque fois que tu aimes quelqu'un, ben, tu couches avec. À un moment donné, il y a des pères qui aiment tellement leurs garçons, ben, ils font de la pédophilie, ils aiment leurs filles, ben, ils font la même chose, etc. Et ils ne sont pas capables d'aimer autrement. Bon, on dit, oui, mais c'est exceptionnel. Un instant, c'est extrêmement fréquent. Et les mères font la même chose, mais parce qu'on reconnaît plus comme étant problématique l'homme que la femme. Mais les mères vont jouer avec le corps de leurs enfants à plus finir. Il y a beaucoup de mères qui vont le faire et c'est du sentiment. Une mère dit, crime, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je faisais rien non plus. Dans l'apparence, c'est la même chose. Il y en a un qui en est conscient, c'est de l'émotion, puis il est heureux là-dedans, puis il est malheureux là-dedans. L'émotivité, c'est un maudit problème. Vous aimez votre secrétaire, ou votre secrétaire, hein, homme ou femme, vous l'aimez. Pas pour coucher avec, pas pour sortir avec, vous l'aimez. Et vous êtes mal pris en maudit avec vos émotions, parce que vous ne pouvez pas rien lui dire. Parce que dans le stéréotype humain, si tu offres un cadeau à ta secrétaire, elle sait très bien que les patrons, quand ils font ça, c'est pour coucher avec. Alors, tu n'y offres rien, ta secrétaire, mais elle est belle, elle est pétillante, elle te rajeunit quand tu la vois, elle travaille bien, c'est parfait. Puis ta femme, on va penser quoi? On est mauditement mal pris. Tout simplement parce qu'on n'est pas capable. Bon, à un moment donné, vous allez dire à quelqu'un, je t'aime. C'est un gars. Fait que là, tu peux pas l'aimer. On peut pas s'aimer. Ça, c'est du sentiment. Et parce qu'on va le refouler en dedans, ben là, on va l'aimer comme un gars. Une claque sur l'épaule, on lui fait un coup de cochon, il fait comme les gars font. Bon, c'est aussi beau que la relation sexuelle entre un homme et une femme. Tu sais, quand on fait un enterrement dit de garçon, là, le gars à poil sur la camionnette, là, puis plein de moutarde, puis de ketchup, puis d'œufs, puis de melasse. Ça, c'est des chums. C'est des chums, ça. C'est franchement, ben c'est comme ça, les gars ils l'aiment, puis comment ils peuvent le dire, ben comme on l'a appris à le faire, en connard. Mais c'est la même chose. Quand je dis qu'on doit se libérer de l'émotion, c'est que l'humain doit exprimer ses sentiments, puis les laisser sortir. Le sentiment n'est jamais une mécanique têteuse. Quelqu'un qui viendra me voir et me dire, Daniel, là c'est un sentiment, là faut que je t'embrasse. Mais c'est pas un sentiment, c'est une émotion. Le sentiment ne se vit pas comme ça. Peut-être vous embrasseriez, peut-être vous n'embrasseriez pas. On n'a pas besoin d'excuser un sentiment. On ne souffre jamais d'exprimer un sentiment et le sentiment exprimé ne nous créera jamais de problème. Mais ça, on n'en est pas convaincu, hein, parce qu'on n'est pas habitué. Mais on peut souffrir de ne pas l'exprimer. On va souffrir de ne pas l'exprimer, mais on va en faire une émotion. Et là, on peut souffrir de ne pas exprimer l'émotion. On peut exprimer l'émotion. Ça peut créer des problèmes. Mais c'est plus nous autres. Parce que dans l'exemple que tu donnes là, bon, si, par exemple, tu as une secrétaire que tu aimes bien, qui est bien gentille, etc. Puis tu pas t'aimes bien, tu vois, j'utilise toujours le mot bien à la fin pour dire. Oui, parce que c'est une menterie que tu aimes. C'est ça, oui, que tu aimes. Tu peux pas le communiquer facilement à cause des... Tu peux, mais c'est parce que comme peut, toi, tu vas le faire tout croche quand tu vas le faire, à cause de toute l'émotivité qui va être sous-jacente à ce que tu viens pour lui. Mais il y aurait de l'émotivité seulement dans la mesure où la personne n'a pas exprimé au début. Si c'est là où j'arrivais, si on l'exprimait au moment où il passe, le sentiment, la première fois, autrement dit, que la personne s'est dit « je l'aime », s'il l'avait dit là, le problème était beaucoup plus facile. Aucun problème. Puis ça n'aurait pas paru émotif ou moins, en tout cas, pour la personne qui l'entend, pour la personne qui se le fait dire. C'est extrêmement facile, et ça vient toujours à ce que je dis souvent, c'est qu'on ne doit pas travailler, passer notre temps à travailler pour éliminer ou contrôler ceci ou cela ou cela. On doit développer chez nous ce qui va de toute façon naturellement devenir le maître contrôleur à bord. Exprime un sentiment. Il y a des sentiments. Il y a des personnages que je rencontre aux conférences qui sont merveilleux. À un autre moment donné, ils le sont moins, puis à un moment donné, ils le sont énormément. Ils le sont, ils sont merveilleux. C'est évident que l'être humain qui ne vit pas convenable, qui ne comprend pas le principe, n'exprimera pas ce qu'il est. Alors moi, je vais souvent voir des individus, je sais qu'à l'intérieur d'eux, c'est parfait. Mais ce sont des connards. Des connards. Ce qui est exprimé n'est pas fort. Mais les individus, l'être humain perd énormément d'énergie et de vie et de temps à continuellement lutter contre l'expression simple et belle de ce qui le traverse. Et ce qui le traverse, c'est lui, cela. Je ne parle pas, vous avez réfléchi à, puis là, vous allez le faire. Là, ce qui vous a traversé, c'est des mémoires, c'est de l'astral, c'est de la pensée, c'est pour vous autres. C'est très simple. C'est extrêmement simple. La problématique qui va arriver, c'est que toutes les mécaniques vont, d'évolution viennent se placer. L'ego, l'astral au complet, l'âme, la psychologie vient se placer pour vous inhiber. On ne veut pas que vous soyez joli, parce que si vous êtes joli, vous serez plus beau. Elle est plus que ça. Et on ne pourra pas vous conserver mémoriellement. Vous ne pourrez pas, vos égos ne pourront pas s'alimenter de votre sentiment. Mais vous allez être drôlement mieux, par exemple. Parce que tous les corps complets vont bénéficier, et l'ego aussi, mais pas comme il est habitué. L'ego veut manger de la pomme absolument, puis à un moment donné, tu vas lui donner la pomme, dans un fruit, tu sais. Bon. Alors, il ne comprend pas l'idée. Il y a beaucoup de personnes encore sur la planète ici qui savent pas que les petits pois ne sont pas fabriqués dans la compagnie qui fabrique les boîtes de conserve, tu sais. Il y a beaucoup qui pensent que c'est peut-être dans la même usine. Ça serait bon, hein? Oui. Alors, il y a des choses que l'humain ne sait pas. On s'habitue. On vit émotivement. La majorité des parents vivent des émotions avec leurs enfants. Et subitement, moi, je rencontre leurs enfants et puis j'ai une opinion totalement différente de leurs enfants. Ah oui, tu penses? Ah oui, oui. Moi, je le vis sentimentiquement. Pas sentimentalement, qu'une coloration du mot émotif. Oui. Et là, parce que je ne suis pas encore, ou je n'étais pas encore tout à fait désinhibé en face de cela, je ne peux pas ou je ne pouvais pas vivre une relation énergiopathique directe avec l'enfant. On en vit une dans d'autres mondes. Uniquement pour ne pas faire de mal aux parents. Mais l'être humain doit progressivement... Moi, je n'ai rien contre que tu laisses à ta secrétaire le temps de se préparer. C'est correct, c'est éthique de laisser à un être humain le temps de se préparer. Avoir une communication sentimentale. Sauf qu'à un moment donné, on va jouer le jeu. Ah, ben, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Cette personne-là. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu n'es pas prêt. Est-ce que l'affection et le sentiment, ça se ressemble? L'affection, c'est plus une émotion? Il y a deux formes d'affection. Il y a une affection qui est uniquement un têtage émotif. Alors, par exemple, vous êtes heureux seul, puis à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un, puis vous l'aimez. Puis à partir de ce moment donné-là, vous ne pouvez plus vous passer de lui, vous devez le voir de temps en temps. Vous manquez d'affection. Pourquoi? Parce qu'avant, vous étiez capable de vous nourrir affectivement d'une façon particulière, et subitement, émotivement, vous avez canalisé votre affection sur l'autre, et là, maintenant, vous êtes dépendant de l'autre. Comment ça se fait qu'avant de connaître une personne, vous êtes heureux ou heureuse, puis maintenant qu'elle n'est plus là, vous êtes malheureux ou malheureuse? Il s'est passé quelque chose, on vous a tendu un traquenard, puis vous êtes tombé dedans. Donc, on doit, à un moment donné, recanaliser notre besoin affectif, notre besoin d'énergie sentimentale et ne pas le laisser colorer par la nutrition émotive. Autrement dit, je me nourris sentimentalement de certaines personnes, mais à un moment donné, je vis de l'émotion avec eux, ce qui fait que je me nourris énergétiquement par l'échange émotif. Alors, si je n'ai pas l'échange émotif, je ne peux plus me nourrir énergétiquement. Alors qu'avant, j'aurais pu. Alors maintenant, on doit recommencer à ouvrir les créneaux qui vont nous permettre de nous nourrir énergétiquement, même s'il n'y a pas la relation émotive. Et c'est ce qui nous met des difficultés. Pas de relation sexuelle avec ta femme. Comment tu vas parvenir à échanger des énergies? Par la parole. Et par plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut parler aussi vite? Oui, toi, oui. Est-ce qu'on va tout arriver à parler aussi vite que ça quand les hommes feront plus l'amour? Non. Non. C'est pas nécessaire. C'est pas la qualité, c'est pas la quantité des mots, c'est la qualité de la conversation qui va nous énergiser. Il y a tellement, on parle de parler, mais il y a tellement d'autres choses pour communiquer. On en a parlé souvent dans d'autres conférences, mais il y a d'autres façons de communiquer la relation sentimentale. Ce que je veux, c'est que vous ne fassiez pas la gaffe, à un moment donné, de découvrir un peu ce que c'est que le sentiment et de commencer progressivement, subtilement, là, de vous laisser colorer la relation sentimentale par la relation émotive traditionnelle. C'est comme si à un moment donné, on monte ici, progressivement, on descend là avec de nouveaux mots. est encore fait. Le sens... Est-ce que si c'est souffrant, n'importe quel des exemples qu'on a pris tantôt, par exemple d'avouer à quelqu'un qu'on l'aime, de cesser d'avoir des relations ou de diminuer le nombre de relations sexuelles, d'arrêter de perdre l'énergie finalement, à partir de quel point, si c'est tellement souffrant pour un égo de cesser de fumer, de cesser quelque chose qui fait qu'il nourrit égoïquement, qu'il draine autrement, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est plus coûteux en énergie de combattre que de le laisser aller? La souffrance, c'est le fait que tu résistes. Bon. Alors moi, par exemple, je vais dire à quelqu'un « je l'aime », et puis en même temps, là, je me dis, là, la personne a pensé que je l'aime animalement humain, tu sais, humainement parlant. Pouvons-nous, un gars peut-il aimer une fille sans qu'il y ait de relations sexuelles entre eux autres à un moment donné? Est-ce que deux sexes peuvent s'aimer et ça finit là? Quand je pose la question, tous les hommes me disent « non, c'est impossible », puis il y a beaucoup de femmes qui me disent « non, c'est impossible ». Ça devient idiot parce qu'un homme et une femme ne peuvent pas s'aimer sans se ramasser dans le lit. Alors, tu as de la misère à aimer tes enfants. Ah, mais tu les aimes. Tu les aimes avec l'égrégore du paternel ou de la maternelle. Mais tu n'aimes pas tes enfants. Tu possèdes tes enfants, puis tu joues le jeu du protecteur des enfants. Mais tu n'aimes pas tes enfants. Ce ne sont pas tes amis, tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes rejetons. Alors, l'humain, on doit parvenir à un moment donné, deux hommes, est-ce que deux hommes peuvent s'aimer? Regardons, c'est sur homosexuel, OK, mais on parle encore de sexualité. Encore pas dedans. Mais c'est ça, l'humain doit parvenir à exprimer un sentiment. Pas de l'amour. L'amour, ça fait partie, dans l'expression de l'intelligence, l'amour, ça fait partie d'une relation de sentiment. Alors, tu vas dire à quelqu'un « je t'aime », c'est la même chose que de lui dire « tu es beau » ou encore « j'apprécie ta présence ». C'est toute la même chose. Quand c'est dit purement, c'est la même chose. C'est pas de l'amour qui manque. Il y a trop d'émotions. Est-ce qu'on serait pas mieux d'utiliser justement les mots comme les mots plus précis? Ça dépend. J'apprécie ta présence. Si ça te fait mal de dire à quelqu'un « je t'aime », c'est « je t'aime » qu'il faut que tu dises. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous appreniez, ça, à un moment donné, à devenir le maître contrôleur chez vous. Ouais. Mais c'est masochiste. C'est pas masochiste. Du point de vue de l'ego. Ben, si ça te fait mal, c'est ça qu'il faut que tu dises. Non, l'ego ne voudra pas le faire, puis toi, tu vas le faire pour la simple raison qu'il n'y a aucune maudite raison dans l'intelligence de ne pas être capable de dire un mot qui, présentement, est le meilleur supporteur de la valeur de l'énergie que tu veux communiquer. Si c'est « j'apprécie ta présence » qui vient, c'est ça que tu dois dire. Et là, ça va être... c'est le fun, toi, non, là, tu viens encore de tout défaire l'affaire au complet. On prend le stéréotype traditionnel, parce que ça, on est habitué. Ça donne bien que tu sois venu, il n'y avait rien de bon à TV à soir. T'es une secrétaire, là, t'es une maudite bonne secrétaire, puis je t'aime énormément. Mais voilà, ça va. Mais, tu sais, Julie, je t'aime. Puis tu t'en vas. Puis même là, c'est en route croche, tu sais. Je vais le dire clairement, limpidement. C'est ça qu'on a peur, justement. Voilà, ici, on a une grande gueule dans la salle, ici, là. Elle dit, la secrétaire répond, moi aussi. Et depuis toujours. Ah, j'avais assez hâte, tu me dis. C'est ça. Je le savais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Ça l'est pas, mais non, ça l'est. Si tu es libre, pur, tu vas dire à Julie, écoute Julie, je suis content que tu me dises ça. Je pense sauf que si, pour continuer à t'aimer, il faut qu'on se rapproche pas plus que présentement. Je trouve qu'on continue à t'aimer. Mais là, Julie est déçue. Elle est proche. C'est beau. Mais toi, tu es correct. Peut-être que Julie ne soit pas déçue non plus. Et maudit qu'on ne fait pas confiance à lui-même. Elle aussi, elle peut répondre stéréotypalement, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. L'humain n'est pas laid comme on pense. Mais on joue juste dans la laideur pour communiquer ensemble. Si vous m'exprimez toujours votre laideur parce que c'est ça que j'exige de vous, ben c'est sûr que je vais être convaincu que vous êtes laid. Puis à un moment donné, quand je vais commencer à être transparent, j'aurai peur de vous parler. Parce que je vous connais. Mais je vous connais pas du tout. Je connais rien. Je connais uniquement ce qu'on a amené. Les stéréotypes. L'être humain doit se libérer de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas exprimer de l'émotion. Le sentiment va énergiser, il nourrit l'émotion, nous désénergise, puis elle nous nuit. Alors, c'est vraiment, vraiment, je dis pas que du jour au lendemain, vous aurez plus d'émotion. Non, comprenez l'émotion, puis observez de quelle façon le sentiment qui vous a traversé à un moment donné a été émotivisé. Puis à un moment donné, vous allez devoir finir par exprimer le carrément. Vous savez, exprimer le sentiment. Moi, je dis à Charles, par exemple, je t'aime. Mais là, Charles, il est tout pogné. Pourquoi il est tout pogné? Parce qu'immédiatement... Prendre un verre d'eau. Son égo pas espèce c'est l'alcool. Mais... J'espère que ma femme n'écoute pas. Là. Elle écoute des conférences après. Ben encore, c'est quelques-unes. Mais pourquoi lui serait tout pogné uniquement parce que subitement, les sentiments l'ont traversé, au lieu d'être pur et d'exprimer ce qui maintenant le traversait, il va lutter contre, il va être pogné avec, puis là, ben là, vu que c'est juste du mensonge puis des masques, il va avoir des égrégores, et ici, il ne saura pas s'il a bien compris, il est sûr que oui, mais il espère que oui, puis il s'en va, puis bon, mais c'est ça. Si on serait simplement transparent un petit peu plus, tout serait vraiment plus facile. Et on a peur avec autrui parce qu'on dit tout le temps, oui, mais ça va me créer des problèmes. Un instant, tu rentres pas au bureau en disant, matin, bon, tout le monde dans le bureau, là, je vous aime tous. Ça, c'est une libération. C'est pas une désinhibition. Ça, c'est l'amour spirituel encore. C'est une libération. C'est une copie spirituelle de ce que j'ai expliqué ce soir. C'est pas ça. Il y a tellement de... On en reparlera à un moment donné au niveau de... On va venir sur la désinhibition à un moment donné parce que c'est la clé la plus essentielle pour que l'humain évolue sans souffrance. Puis qu'il évolue bien. On est en 91, on approche de 92, on approche de 93, on approche de 94, puis à un moment donné, il va être trop tard. Hein? Mais on finira sur la désinhibition. Le sentiment, c'est d'exprimer ce qui, chez vous, est pur, beau, ça doit être exprimé. On a peur d'être transparent, par exemple. On a peur d'être transparent uniquement parce qu'on n'est pas désinhibé en face de nous-mêmes. Puis on dit ça aux autrui. J'ai peur qu'ils pensent que, qu'ils pensent que, qu'ils pensent que. Écoute, si t'es correct avec toi-même, là, ils penseront ce qu'ils voudront, ils ne se passeront jamais rien de plus chez toi non plus. Est-ce qu'on peut être manipulé par un sentiment? Dans l'exemple du patron et de sa secrétaire, le patron qui dit à sa secrétaire, je t'aime. Normalement, il ne ferait pas ça pour une autre raison émotive, ça serait de se faire manipuler ensuite de cette façon-là, de dire, bon, ben là, je viens d'avouer quelque chose que je n'aurais pas dû dire parce qu'elle peut s'en servir contre moi après. Oui, mais là, tu parles comme un être humain émotif. Ben, je sais, mais c'est... Un instant, je le dis quand même, par exemple, là, je viens d'avouer que je l'aimais. Si moi, je dis à ma secrétaire, je l'aime, je n'ai rien avoué. Je voulais lui communiquer. C'était correct de lui communiquer. Mais je lui ai rien avoué. Parce que c'est pas pensé. Si c'est avoué, c'est parce que ça fait longtemps que vous l'avez, c'est de l'émotivité, de l'émotion. Okay. T'as raison. Ah oui, sûr, j'ai raison. Oh, je sais. Sinon, tu seras assis là, je serai assis là. Mais dans l'expression d'un sentiment, au moment où il passe, on peut. Est-ce qu'actuellement, c'est pas l'ego qui nous bloque de faire passer ce sentiment-là, justement, parce qu'il se dit que ça peut être manipulé? L'ego veut ramasser de l'émotion. L'ego veut se servir du sentiment. Puis l'ego veut continuer à contrôler. Mais si on veut traverser, à un moment donné, vers une conscience, je ne vous vends pas les mérites d'un monde nouveau. Si vous voulez cesser d'être totalement. De toute façon, la majorité, vous savez déjà, vous ne savez pas clairement. Vous savez que de toute façon, vous n'êtes pas ici pour rien, vous savez que vous allez quelque part, l'humain, c'est pas tout, mais il sait où ce qu'il veut plus aller, du coup. Bon, c'est une bonne chose. Et on doit progressivement cesser de continuellement être l'humain qui veut avancer, puis qui est toujours pogné à pas avancer. Je le sais que l'humain est manipulé. Je le sais qu'il y a des structures extrêmement puissantes d'involution. Je sais aussi qu'à partir de 90, on a la possibilité de changer les choses jusqu'en 95-97. Alors, il y a beaucoup de choses, de lois qui, pour la personne transitive, s'appliquent mal. Les lois de l'homme nouveau s'appliquent mal à la personne transitive. Les lois de l'homme ancien s'appliquent mal à la personne transitive. Donc, on peut bouger les choses. Et ces choses-là, on va les bouger uniquement en fonction du facteur exprimé d'une façon transparente, l'énergie pure et correcte qui vient nous traverser quand elle nous traverse. Simple. Vous vous regardez dans un miroir, puis vous allez trouver des choses laides, vous allez vous trouver un paquet de choses. Puis subitement, vous commencez à essayer de voir ce qui est beau, vous allez trouver plein de belles choses. Jeu de psychologie, non. Vous voyez en fonction de l'observateur. Seul le beau peut reconnaître le beau. Le lait ne voit que du lait. Bon. Il y a beaucoup de publicité d'ailleurs sur le lait présentement. l'humain doit travailler simplement, exprimer ce qui est correct chez lui. L'émotivité n'en a pas besoin, l'émotion n'en a pas besoin. Elle va être là, ben qu'elle soit là. Cultivez-la, pas. Ça veut dire quoi, ne pas cultiver l'émotivité? Ça veut dire ne luttez pas contre, puis ne l'aidez pas. Luttez pour ce qui est correct. Exprimer l'intelligence, exprimer la pureté, exprimer le sentiment. Tu as déjà dit dans une autre conférence que si on arrêtait d'exprimer ou si on s'empêchait d'exprimer de l'intelligence dans le travail, dans l'application de tout ça, on ramassait, on accumulait du karma. Est-ce que refuser d'exprimer un sentiment, c'est la même chose au ben point oui, de vue émotif? C'est ce qui fait que tu te rends malade, que tu vieillis, etc. Il y a des choses, à un moment donné, que j'explique surtout à ceux qui ont fait le séminaire ou encore des personnes avec lesquelles je travaille un peu plus près, qui sont des mises en garde vachement sérieuses. Quand j'en parle à conférence comme ça ici, je ne mets pas trop d'emphase là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus que la personne décide d'évoluer dans le plan supramental uniquement parce qu'elle aura peur du courroux, de la force supramentale, des punitions. Parce qu'elle ne réussira pas. Mais à un moment donné, on est toujours en train de penser qu'on... Vous savez, une évolution qui vient vous ramasser par le système endocrinien, vous y croyez. Si à une conférence, je fais quelque chose qui va vous faire transpirer, ah ben là, vous allez trouver qu'il y a eu d'énergie en vous asseoir. Il y a peut-être eu beaucoup d'énergie. Peut-être que ce n'est pas la bonne énergie. Si à un moment donné, on fait une conférence où les personnes sont relaxes, on parle de choses extrêmement puissantes, puis on s'amuse, puis bon. Puis, c'est ça qui arrive le problème. C'est que l'humain sur la planète recherche l'évolution animale, l'évolution qui se sent dans le corps physique. Alors que l'évolution de l'être nouveau ne se sent pas dans le corps physique. Elle fait partie de l'intelligence. Et ça fait que vous devenez relativement démuni. Parce que la seule chose qui va vous permettre de continuer à avancer vers votre conscientisation, c'est votre intelligence. Et elle ne s'exprime pas dans le corps physique. À un moment donné, elle va s'exprimer dans le corps physique. À un moment donné, elle va travailler la matière pour vous. À un moment donné, elle va tout changer. Et quand vous n'en aurez plus besoin. Mais temporairement, vous êtes seul avec vous-même. Même si Daniel Kim est là, vous êtes quand même seul avec vous-même. Bon, on prend de l'information, on prend de l'énergie. Mais vous êtes à un moment donné, vous allez être les seuls avec vous-même à vous poser la question. « Ouais, mais là, c'est tout vrai ou c'est tout faux? » Ah, mais ça, là, il y en a qui osent, monsieur Kim. Ce que vous dites, est-ce que c'est vrai? Écoute, je suis un menteur. Je sais pas répondre, oui, c'est vrai, puis ça va être... Ouais, alors, on n'en sort pas. À un moment donné, vous allez vraiment, c'est seul avec vous-même à vous poser la question. « Oui, mais tout ce que je fais là, c'est-tu encore tout de la... » Eh oui. Là, c'est parce que l'individu, là, c'est un initiable. Ah, ça veut dire que moi, rentrer dans un club? Non, ça veut dire que tu restes tout seul. Tu rentres dans un club, un club de célibataires. Si tu rentres dans un club, tu rentres dans un club d'individuels. Dans un club du où on ne te répondra pas plus. On ne peut pas faire le chemin pour toi. Tu étais dans le transport en commun jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, on a chacun nos automobiles. On sait probablement tous où on va. On est tous d'accord. Mais tout ce que vous allez faire fait partie de l'abstrait. Vous êtes en train de vous bâtir quelque chose dans un autre temps, dans un autre lieu. Ce qui fait que tout ce que tu bâtis, tu ne le vois pas. C'est comme la personne qui n'a jamais économisé, qui n'a jamais mis d'argent de côté ou à la banque, quand elle commence à en mettre, là, elle a toujours l'impression qu'elle s'est fourrée. Oui, mais là, tu sais, j'ai acheté des actions, j'ai acheté pour 100 000 d'actions, mais 10 000 d'actions. Là, apparemment, ça vaut 15 000, tu sais. Mais moi, je ne l'ai pas, cet enfant-là, tu sais, je l'ai dit. C'est ça. Ben oui, mais là, j'ai 5 000 en banque, tu sais, mais ça ne me sert à rien de laisser là si je ne m'en sers pas. T'sais. Oui, parce que si tu achètes tout de suite, tu ne pourras jamais acheter d'envergure plus tard. Si tu n'achètes pas tout de suite, un jour, tu achèteras des gros morceaux plus tard. Oui, mais tu te bâtis de l'avenir. Oui, mais c'est ça. L'individu qui est uniquement centré dans la dépense du présent pour pouvoir se sécuriser, que ça sert à quelque chose, il ne peut pas comprendre ce que c'est que l'économie. Les individus qui se conscientisent bâtissent ailleurs. Une clé. Un monde. Puis là, ils disent, oui, mais. Il n'est pas ici, le monde. Où vous voulez, l'énergie, le trésor que vous placez ailleurs, là, vous voulez qu'on fasse quoi avec, qu'on les place dans la matière ici? Bien, ils vont être TPS tout de suite. Bon. Alors, vous allez en perdre des morceaux immédiatement. Aux deux gouvernements, bon, c'est ça. Oui. Sans compter ce qui s'en vient, là. Bon. Alors, non, vous dites, je le place quelque part ailleurs. À l'abri de l'air. Et l'ego dit, oui, mais ça ne me sert à rien, l'attendant. C'est vrai, mais c'est faux. Ça ne sert à rien, l'ego ici. ça sert à toute la structure de l'homme, de la femme ou de l'enfant absolu. Maintenant, mais plus tard, mais maintenant. L'humain doit vrai bien comprendre l'idée, parce que la personne, elle est toujours là en train de se dire « Oui, mais là, j'ai encore un problème là, j'ai un problème là. » Vos corps physiques, à un moment donné, là, vous allez les amener avec vous ou vous allez changer de corps, les abandonner. Tant que vous êtes dedans, c'est intelligent de les entretenir. Le monde dans lequel vous êtes, il doit vous servir, mais vous ne l'amènerez pas. Tant que c'est intelligent qu'il serve, on ne le sert pas, on s'en sert. Mais ce n'est pas là le but. Votre évolution, elle va s'exprimer dans la beauté, dans la simplicité, dans la désinhibition, dans la lucidité, dans l'extra-lucidité, puis dans la conscience. Ça, ça va amener des résultats secondaires de santé, d'argent, de temps. Vous allez rencontrer des individus qui vont être bénéfiques pour vous. Il y aura un échange d'énergie, ça sera une synergie, ça sera bien. Mais c'est pas ici qu'on bâtit l'affaire. Puis c'est pas une promesse de politicien. J'ai été voir, j'y étais souvent, et chaque fois que j'y vais, j'ai pas l'énergie suffisante quand je reviens de là pour garder la certitude sûre de ce que je sais. Mais dernièrement, j'ai été voir. J'étais faire des choses. Et j'ai la certitude sûre de ce que je sais. C'est sûr que moi, je le sais. L'humain ne peut pas savoir ce que je sais. Hein? Puis, je veux me faire confiance. Mais là, il a passé une conférence au complet à vous expliquer qu'il ne fallait pas avoir confiance. Il fallait ne plus douter. C'est fondamental. Je parlais de dualité tout à l'heure. La confiance et le doute vont ensemble. Si tu as confiance, tu roules le doute en arrière. Si tu n'as plus de doute, tu viens d'éliminer la dualité. Plus de doute, plus de confiance, plus de doute, fini. L'être humain vit alors, présentement... on ne peut pas faire confiance à ce que tu dis, il ne faut pas douter. Tu doutes ou tu ne doutes pas. Mais la confiance, ça ne sert à rien de... La confiance, c'est un masque par-dessus le doute. Donc, on n'a pas besoin de ça. Mais à un moment donné, les individus ici vont se ramasser seuls avec eux-mêmes à se poser la question, justement, il y en a qui l'ont déjà vécu. Puis ça ne nous empêche pas d'être ensemble, c'est intelligent d'échanger nos énergies. C'est non seulement intelligent, c'est essentiel. Sauf qu'on ne doit pas échanger nos consciences. On ne doit pas les mixer ensemble. Tu es d'accord, je suis d'accord, mais je suis d'accord parce que je suis d'accord, il est d'accord parce qu'il est d'accord. Donc on est deux d'accord. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il est d'accord. Il y a une grosse nuance. Dans l'apparence, il n'y en a pas de nuance. On est tous d'accord ensemble. Ah, ben c'est une gang, c'est une collectivité. Non, on est tous individuellement d'accord. Puis tant qu'à être tous d'accord pour la même chose, on se groupe. C'est comme sur le métropolitain le matin, ils sont tous d'accord si on est dans le même sens, ce métropolitain. Mais tout le monde est assis dans sa voiture. Oui. Ça serait inintelligent et... Si vous allez dans l'autre sens, ça va être compliqué. Oui. L'être humain bâtit présentement, il y en a plusieurs qui bâtissent des choses ailleurs. Alors, ils vont se dire, oui, mais moi, j'évolue. Puis, j'en connais plein de personnes là, qui ça semble pas. Un instant. Mais, à un moment donné, il faudra, vital, c'est essentiel. Il y a des personnes ici qui vont... parce qu'on est présentement les précurseurs dans cette humanité de la conscientisation. Je ne parle pas uniquement de ceux qui sont ici, là, il y a plusieurs autres aussi, là. Mais on est les précurseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas prêtes. Ça veut dire que pour plusieurs personnes, si vous n'exprimez pas le sentiment et vous continuez à exprimer l'amour, l'amour émotif, l'émotion, il y en a qui vont payer un très, très, très, très, très, très lourd prix là-dessus. Et quand je parle de lourd, je parle de lourd. Je vais t'expliquer ici. Dans la salle, il y a quelques personnes qui, dans cette vie-ci, n'ont pas évolué. Ne se sont même pas conscientisées. Les personnes ici qui ont passé leur vie jusqu'à ce soir, par exemple, ça va continuer pour certains et certaines, ils ne se sont pas conscientisées, ils n'ont pas bougé. Ils étaient très évolués avant à leur naissance. Tu en es une grande carte comme ça, là. Puis il y en a d'autres. Ils étaient très évolués à leur naissance, ils ont passé les jours de leur vie jusqu'à aujourd'hui à se cacher des autres. Alors, ils se disent, ouais, moi, je suis plus évolué que tout le monde. C'est vrai. Mais ils se sont cachés. Là, à un moment donné, il y en a là-dedans qui ont qui commencent à se conscientiser, qui avancent, on arrive au même niveau. Mais eux ont de l'élan, ils vont continuer à se conscientiser. Il y en a plusieurs parmi vous là qui ne vous êtes pas conscientisés dans cette vie-ci. Si vous êtes prêts à la naissance, il y en a d'autres qui sont conscientisés un petit peu. Mais dans quelques temps, ou à partir de là quelques temps, il y en a qui, là, vont recommencer maintenant la conscientisation, là, le travail de repos, là, c'est un peu fini. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il y en a une qui me disait, ouais, c'est plate, Christy, moi, j'ai pas eu un grand break, moi, là, me semble, c'est vrai. Il y en a, ça fait 200-300 ans qui sont en stagnation, puis il y en a d'autres, ça fait leur jeunesse aller jusqu'à maintenant. L'être humain bâti ailleurs, et pour bâtir ailleurs, l'être humain ne doit pas être seul, par contre, il doit être centré dans son intelligence, donc vous allez, à un moment donné, devoir être centré dans votre certitude. L'expression du sentiment, c'est l'expression de l'intelligence. Un sentiment, c'est toujours de l'intelligence exprimée par les voies humaines. C'est un sentiment. Il n'y a rien de plus beau qu'un sentiment. L'émotion, c'est la coloration humaine. La mémoire de l'expression divine, de l'expression supramentale, de l'expression esthétique d'un sentiment. Et faire des mises en garde, c'est toujours problématique. Parce que c'est juste l'ego qui comprend ça. Mais effectivement, l'humain a un intérêt marqué, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui ont un intérêt marqué à travailler vers la désinhibition et à se libérer progressivement de l'émotion. Comment on se libère de l'émotion? On a parlé un peu. Comment on se libère de l'émotion? C'est qu'on doit, dans notre conscience, cesser de voir dans l'émotion la valeur émotive, donc, hein, qu'on voit présentement. On doit bien comprendre que l'émotion, c'est pas ça. Et que le sentiment, c'est ça qui doit être exprimé. Et on ne doit pas tomber dans le piège d'appeler les émotions sentiments. Mais quand je dis se libérer de l'émotion, c'est pas une grosse technique. Vous en vivez? Sachez ce qui se passe là. C'est pas ça que vous devez vivre. C'est toujours souffrant une émotion. Toujours. Ça amènera toujours de la souffrance aussi. Le sentiment est spontané, instantané, il n'est pas mémoriel. Tu sais, l'autre fois, tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, mais c'est même plus là. C'est pas une émotion. Présentement, là, je le suppose. Soyez simple. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et sinon, on est là, ben je te dis ça, ouais, je sais bien là, mais c'est parce que faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'à l'époque je pensais. Mais non! Continue à l'exprimer! Ben là, le problème, non, aujourd'hui, je t'aime pas. Je te déteste pas, tu sais. Tu compliques tout! Ça fait des déjeuners très actifs. On fait une pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les lire.